travail, car j'ai fini. Travailler sans payer, travailler de ma maison, mais voilà dans les rues. Travailler de ma maison, mais voilà dans les rues. Fini, l'amour est terminé. L'argent est fini, l'amour est achevé.